La clairière, par Jacques Lemaire. Matin. Dans la clairière ensoleillée, où s'exhale un parfum de thym, la brume, au grand geste incertain, s'argente sur l'herbe mouillée. L'étang s'anime d'un frisson, sous le baiser des libellules. D'imperceptibles mandibules chantent sous l'herbe leur chanson. Loin des faunes aux barbes rousses, des nymphes viennent s'amuser, là, dans la rosée, à danser, pieds nus dans l'épaisseur des mousses. Midi. C'est du feu que le soleil lance. Le sol croule sur l'étang. Un bouleau se dresse, tout blanc, immobile dans le silence. Limpide fournaise, les cieux déversent des torpeurs brûlantes, et les nymphes, qui nonchalantes, liaient des gestes gracieux, sous les grands bois s'en sont allés, narguant les ardeurs du soleil, pour goûter l'ombre et le sommeil, auprès des sources isolées. Soir. Le soir aux fraîcheurs de fontaines tombe, gonflé de souffle là. Sur l'horizon où le soleil bat, s'éteignant en clarté lointaine, dans un lac de feu disparaît. Et les nymphes sont revenues au bord de l'étang, souples, nues, avec des senteurs de forêt dans les cheveux. Elles étirent, là, sous l'eau, leurs membres lourds, l'onde s'étreint à leurs contours, des zéphyrs dans les champs soupirent. C'était La clairière, par Jacques Lemaire.